Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. Dans quelques semaines, deux sondes fêteront leurs 41 ans de voyage, loin, très loin de l'humanité. En août, puis en septembre 1977, les sondes américaines Voyager 1 et Voyager 2 ont quitté la Terre. Aujourd'hui, ces deux engins spatiaux voguent dans l'espace interstellaire et nous envoient toujours des informations. Ces deux sondes sont les objets les plus éloignés de l'humanité. À leur bord, la technologie des années 70 et un disque recouvert d'or destiné à d'éventuels extraterrestres. Les deux sondes Voyager ont été conçues pour partir à la découverte du système solaire. Elles ont visité Neptune, Saturne et Uranus et ont envoyé des milliers de données qui sont toujours étudiées par les chercheurs. L'astrophysicienne Rosine Lallemand va vous raconter la fabuleuse épopée de ces deux sondes. Rosine Lallemand est chercheure au CNRS. Elle travaille sur l'interaction entre le Soleil et le nuage de la galaxie. Elle travaille beaucoup avec les sondes Voyager. Les aventuriers. Une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. La mission Voyager, c'est une suite de records exceptionnels. C'est une mission qui a été sous le signe de l'alignement favorable des planètes au propre, enfin de stricto sensu, parce qu'en fait elle a été déclenchée par une situation qui n'arrive que tous les 176 ans, c'est-à-dire un alignement dans l'horlogerie des planètes qui tournent autour du Soleil, un alignement favorable à une exploitation pour envoyer les sondes très loin et les aider à sortir du système solaire. Les records sont de toutes sortes. Record de distance. Voyager 1 est à 22 milliards de kilomètres. Il faut presque 20 heures à la lumière pour aujourd'hui parvenir depuis la Terre jusqu'à la sonde. C'est-à-dire quand vous appuyez sur un bouton pour envoyer une commande, ce que fait encore la NASA aujourd'hui, vous attendez 40 heures l'accusé de réception et la réponse à la commande. Donc c'est quelque chose qui nous donne une idée de la finitude de la vitesse de la lumière, mais en même temps une idée de cette immensité parcourue par les sondes déjà. Alors ça, c'est le record de distance. Record de durée de prise scientifique, enfin de résultats scientifiques. Plus de 40 ans, c'est exceptionnel. Je crois qu'il n'y a pas dans l'histoire de l'espace de choses identiques. Des records de découverte de corps célestes. On va voir plus de 22 lunes des planètes géantes du système solaire externe. Record de diversité, parce qu'il y a eu des mesures sur les planètes, sur l'atmosphère au sens large du Soleil, le vent solaire, sur même des mesures sur le gaz de la Voie lactée, de la galaxie. Donc beaucoup de surprises. Et puis une aventure humaine incroyable. Alors, je vais essayer de vous raconter le démarrage de cette aventure des voyageurs. Faite d'intelligence, mais d'intelligence bien calculée, de prise de risque, encore une fois, bien calculée, des équipes vraiment exceptionnelles qui ont fait des choix de sondes qui, à l'époque, étaient quand même des choix révolutionnaires. Une personne a marqué cette mission, c'est le chef de projet qui s'appelle Edward Stone, qui est une figure tout à fait remarquable dans le sens où c'est une intelligence exceptionnelle et quelqu'un qui a su rester tout au long de la mission ouvert à toutes les suggestions. Et je crois que tous mes collègues seraient d'accord pour dire que si la mission Voyager a été cette aventure, une grande part est due à Ed Stone. Jean-Yves Le Gall, président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Les deux personnes emblématiques, définitivement, c'est Gary Flandreau qui, au milieu des années 60, a eu cette idée de voir la possibilité de faire ce billard cosmique en rebondissant sur l'attraction des différentes planètes. Et puis bien sûr, Ed Stone, qui a été nommé responsable du projet Voyager au début des années 70. Ed Stone, il est né en 1936. Je l'ai rencontré récemment. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que depuis le début des années 70, sa vie, c'est Voyager. Tous les matins, Edstone, lorsqu'il se réveille, il prend des nouvelles de Voyager. Et lorsqu'il en parle, c'est à la fois presque paternel et un peu mystique. Il est informé en permanence. Alors là aussi, ça a fait des progrès. 77, il n'y avait pas de téléphone portable. Il était chez lui, on lui téléphonait. Aujourd'hui, on lui a concocté une application sur son iPhone, ce qui fait qu'il vous la montre, il est très fier en permanence. Il vous dit dans quel état est la sonde, si elle regarde le soleil, si elle regarde la Terre. Je crois que c'est la seule personne au monde qui suit un projet scientifique et technologique de cette ampleur sur une durée aussi longue. Alors les sondes Voyager sont deux sondes qui sont quasiment identiques, sondes jumelles, qui ont été fabriquées donc dans les années 70, qui ont fait suite aux missions Pioneer, qui étaient déjà les premières sondes à être envoyées et qui sont sorties en fait de l'attraction du Soleil. Les sondes Pioneer en fait ont été, il faut dire, un petit peu malheureusement éclipsées par les sondes Voyager ensuite. Qui étaient mieux équipés, qui avaient plus d'instruments, qui avaient un système d'énergie à bord plus puissant et qui ont fait beaucoup de découvertes et qui ont un petit peu éclipsé le passé de Pioneer. À l'époque, en fait, on avait découvert, donc dans ces années 70, c'était donc le début du spatial, il y avait eu des sondes orbitant autour de Mars, de Vénus, et c'est à ce moment-là qu'un ingénieur de la NASA, qui était particulièrement féru en orbitographie, enfin en mécanique céleste, qui s'appelle Gary Flandreau, qui était au Jet Propulsion Laboratory, et qui a eu cette idée lumineuse de l'utilisation de cet alignement exceptionnel des planètes. Mais il fallait faire quand même relativement vite. Alors les ingénieurs se sont mis à calculer toutes les trajectoires possibles pour des sondes qui leur permettraient de profiter de la position des planètes et d'utiliser ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle, c'est-à-dire l'utilisation des mouvements et des masses des planètes elles-mêmes pour réorienter et réaccélérer les sondes au moment de leur passage. Et les sondes, finalement, ont été lancées en 1977, toutes les deux, pratiquement à quelques mois d'intervalle. 20 août 1977, France Inter. Bonsoir. La nouvelle expérience spatiale américaine, qui promet d'être passionnante, car elle entre un peu, il faut le dire, dans le domaine de la science-fiction. Cette expérience doit commencer avec succès cet après-midi avec le lancement réussi à Cap Kennedy de Voyager 2, une sonde spatiale qui a mis le cap aussitôt vers la planète Jupiter. Une deuxième sonde spatiale baptisée Voyager 1 sera lancée le mois prochain. But de la mission, une meilleure connaissance de notre système solaire et peut-être, je dis bien peut-être, un contact avec des extraterrestres, si extraterrestres il y a bien entendu. Au lancement, la mission nominale, en fait, était d'aller visiter, pour les deux sondes, les deux premières planètes gazeuses, Jupiter et Saturne. Au départ, c'était ça la mission. Il y a des instruments de divers types, des caméras, puisque l'idée c'était d'aller frôler les planètes et leurs satellites. Donc l'imagerie était quelque chose d'essentiel, des caméras visibles et fonctionnant dans le domaine infrarouge. Et des instruments, ça c'était la pleine époque, des instruments, ce qu'on appelle des instruments plasma, c'est-à-dire toute une batterie d'instruments de mesure destinés à caractériser les gaz électrisés et les champs magnétiques qui les accompagnent autour des planètes. Un magnétomètre, c'est celui qui est le plus spectaculaire quand on regarde les sondes, puisque c'est quelque chose qui fait plus de 10 mètres de long et qui a été déployé, évidemment, plus après le lancement, en vol. Un analyseur d'ondes, un analyseur des photons et de leur polarisation, et un instrument qui mesure les ondes radio. Alors, puisque ces sondes, comme les sondes Pioneer, étaient destinées à quitter l'attraction de notre étoile, le Soleil, et donc à s'en aller voyager donc dans la galaxie, à se satelliser comme notre étoile autour de la galaxie, avec un périple donc qui devait les amener à aller avoisiner d'autres étoiles et d'autres systèmes de planètes autour de ces autres étoiles. On sait aujourd'hui, en fait, que presque toutes les étoiles de la galaxie, on ne le savait pas encore à l'époque, mais on sait aujourd'hui que presque toutes les étoiles de la galaxie ont des cortèges de planètes et beaucoup habitables. Donc, à des distances permettant probablement la vie. Donc, l'idée, au moment du lancement, c'était de mettre à bord quelque chose qui pourrait permettre d'identifier l'humain, le terrien, si par une chance particulière, ces sondes venaient à être détectées puis captées par des civilisations potentielles autour d'autres étoiles. Donc pour cela, on a mis sur la paroi des sondes, c'est directement visible depuis sur la paroi des sondes, ce qu'on appelle le Golden Record. Ce sont des disques qui ont été gravés, la surface est en or, et sinon ce sont des plaques de cuivre recouvertes d'or gravées avec un certain nombre d'images, de sons qui pourraient aider à nous comprendre, nous les humains, comment nous naissons, nous reproduisons, quel est l'état de nos connaissances en mathématiques, etc. Une petite carte montrant notre position dans la Voie lactée. Alors sur ce disque aussi, la NASA a mis des morceaux de musique extrêmement variés. 27 morceaux, a mis une centaine de photographies, des poèmes, le fameux poème de Baudelaire, Élévation, et des messages dont l'un est prononcé par le secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim. 6 septembre 1977, Kurt Waldheim, secrétaire général de l'ONU. As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states, en tant que secrétaire général des Nations Unies, une organisation de 147 États membres qui représente presque tous les habitants de la planète Terre, je vous envoie les vœux de tous les hommes de notre planète. Nous quittons notre système solaire dans l'univers, cherchant seulement la paix et l'amitié, pour enseigner si nous pouvons le faire, pour vous connaître si nous avons de la chance. Nous savons fort bien que notre planète et tous ses habitants ne sont qu'une petite partie de cet immense univers qui est autour de nous. Et c'est avec humilité et espoir que nous faisons ce pas en avant vers vous. Ce message maintenant donc est à 20 milliards de kilomètres. On peut espérer qu'un jour quelqu'un pourra écouter Kurt Waldheim, en tout cas comprendre et aussi deviner ce que nous sommes. Sur le disque ont été gravés également les sons de la Terre, des cris d'animaux, les bruits, le vent, la pluie, l'orage, qui pourrait permettre de deviner l'état physique de notre planète. On écoute Chuck Berry sur France Inter avec un des titres emportés par Voyager dans l'espace, Johnny B. Goode. Go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go. Les sondes Voyager 1 et Voyager 2 ont été envoyées en 1977 et elles nous envoient toujours des signaux depuis l'espace interstellaire où elles se trouvent. Ces sondes ont révolutionné les connaissances sur le système solaire. Grâce à elles, on a une meilleure idée des structures des planètes et de leurs satellites. Rosine Lallemand, astrophysicienne. Les deux sondes Voyager ont fait une moisson de découvertes. C'est assez difficile de tout citer, c'est impossible. Je vais commencer peut-être par rappeler cette image particulière. Jupiter, la planète Jupiter, qui pourtant avait été déjà observée, mais c'était la première fois qu'elle était visualisée de cette façon aussi incroyable. La grande tache rouge de Jupiter est restée dans toutes les mémoires. Quelque chose qui est absolument gigantesque, est un cyclone énorme qui fait le cinquième de la surface de la planète. Ce sont des vents de très très grande échelle, à des vitesses énormes. Les anneaux de Jupiter ont été découverts par les sondes. Alors, contrairement aux anneaux de Saturne et d'Uranus qui avaient été observés depuis le sol, pas très bien, mais quand même, les anneaux de Jupiter sont plus fins, ils n'avaient pas été découverts avant le passage des sondes. Alors aussi, l'océan gelé du satellite de Jupiter Europe, qui a été une très grande surprise, et on imagine que dessous, il y a du liquide. Une image également spectaculaire, c'était le volcanisme du satellite Io de Jupiter. On n'imaginait pas que ce satellite puisse avoir une telle activité. On comprend aujourd'hui qu'à cause des marées, des effets de marée dus à la présence de l'énorme planète Jupiter, qui fait donc 300 fois la masse de la Terre, à cause des effets de marée, cela entraîne des mouvements magmatiques dans la planète Io et des éruptions volcaniques. Et Voyager a observé directement une énorme éruption, ce qui a été un grand souvenir. Jean-Louis Berthaud, astronome, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des atmosphères planétaires. Je faisais partie de l'équipe scientifique du spectromètre ultraviolet. Donc on était tous là au Jet Propulsion Laboratory, à Pasadena. Et je me rappelle très bien qu'au milieu de la nuit, dans la cantine, dans le restaurant du JPL, il y avait des écrans de télévision partout. Et tout d'un coup, on voit la première image de Io. Alors là, j'étais stupéfait parce qu'on ne comprenait pas du tout. On aurait dit une orange qui aurait été attaqué avec un piolet à glace. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des trous noirs ou des taches noires un peu partout. Et là, j'ai été frappé parce que ça n'avait pas l'air d'être au hasard, si vous voulez. Et il y a quelque chose qui n'est pas sont pas des cratères d'impact. Et puis, j'ai été me coucher, mais c'est les volcans dont on parle n'ont été découverts que plusieurs jours plus tard. Parce que, en fait, il a fallu qu'une jeune fille qui était embauchée justement pour scruter une à une toutes les photos, parce qu'il y avait énormément de photos qui étaient arrivées, les scientifiques ne pouvaient pas toutes les voir, elle a regardé en détail toutes les photos, et sur l'une d'entre elles, on voyait, qui avait été prise assez loin de Io, on voyait non seulement Io, mais on voyait un énorme panache volcanique. Et c'est comme ça que les volcans de Io ont été découverts par une jeune fille qui n'était pas vraiment très impliquée là-dedans. Alors, au total, les deux sondes Voyager ont découvert 22 nouvelles lunes, l'une des planètes géantes. Essentiellement, le plus grand nombre, ce sont pour les deux planètes les plus lointaines, donc Uranus et Neptune. Et d'ailleurs, en fait, c'est sur Uranus et Neptune que les moissons ont été les plus prodigieuses et aucune sonde depuis n'a pu faire l'équivalent. 12 novembre 1980 sur France Inter. 1980, Odyssée de l'espace. En ce moment même, à plus d'1,5 milliard de kilomètres de notre Terre, la sonde américaine Voyager 1 est en train de frôler la planète Titan, la plus grosse lune de Saturne. La sonde passe à 4000 km seulement. Elle pourra déceler si oui ou non il y a une possibilité d'ébauche de vie dans son atmosphère. D'ores et déjà, les premières photos de la planète Saturne ont permis de découvrir un 15e satellite dans les anneaux, un fabuleux exploit technique qui laisse tout de même un peu rêveur. La sonde Voyager 1 n'a fait que Jupiter et Saturne. La raison en est que l'intérêt pour la lune de Saturne-Titan a été grandissant quand on a vu qu'elle possédait une épaisse atmosphère et que l'idée a été de frôler Titan de façon la plus proche possible. Cependant, si on voulait frôler Titan, cela voulait dire, parce que ce sont des calculs extrêmement précis de trajectoire, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas zigzaguer comme ça. Et donc, si la visite de Titan était programmée, cela voulait dire, après Titan, arrêter et s'en aller vers les confins du système solaire. Le grand apport de Voyager a été l'incroyable diversité des lunes et des systèmes d'anneaux d'ailleurs de notre système solaire. Une diversité en masse. Les lunes vont d'objets de quelques kilomètres à des choses comme Titan qui est plus grand que Pluton. Ou en diversité en composition, elles ont des surfaces incroyablement différentes. Des orbites complètement différentes, des sens d'orbite complètement différentes, des rotations propres, certaines tournent dans le même sens que dans ce qu'on appelle le sens prograde, dans le même sens que la rotation autour de leur planète. D'autres ont des rotations complètement chaotiques. C'est une diversité, je crois, que personne n'imaginait avant Voyager. La sonde américaine Voyager 2 n'arrête pas de découvrir des nouvelles lunes autour d'Uranus. Elle vient d'en détecter 6, ce qui porte à 12 le nombre de satellites identifiés jusqu'ici autour de cette lointaine planète. Les spécialistes de la NASA pensent qu'il y en a d'autres. Uranus pourrait donc battre le record des lunes, actuellement détenu par Saturne avec 20 satellites naturels. Jupiter en a 16. Cette diversité de composition, de masse, de taille, etc., doit nous apporter et est actuellement entièrement exploité par les planétologues qui recherchent les conditions de formation de notre système solaire. Les moissons des observations Voyager sont encore aujourd'hui totalement exploitées par les scientifiques. Il n'y a absolument rien d'obsolète. Tout est encore exploité et justement l'énorme diversité des observations est un des sujets d'études particuliers. Le diable est dans les détails. En fait, on a des modèles, mais si l'on veut reproduire toutes ces diversités, toutes ces complexités, il faut améliorer les modèles, introduire des nouvelles contraintes, et ça a apporté beaucoup aux planétologues. 14 février 1990, texte de l'astronome Carl Sagan, lu par Laure Grand-Besançon. Regardez encore ce petit point. C'est ici. C'est notre foyer. C'est nous. Sur lui se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu, dans un rayon de soleil. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir ce point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Alors la petite tache bleue vue depuis les sondes Voyager, je crois que ça illustre encore beaucoup mieux que ce qu'on peut voir de la Terre depuis par exemple la station orbitale. La petitesse de notre maison qu'il faut préserver. Et les images de voyageurs avec depuis cet éloignement sont une grande source de réflexion philosophique. On ferait bien de les regarder plus souvent. planes, hundreds and tens. Only they could lead the world to peace and prosperity. Well, well, now, see them fake leaders. Something you just can't miss. No matter what you think you're fighting for, to make rich those who profit from war. Look what they're doing to us people. Only they could lead the world to love and unity, yeah. Hey, now I have seen where we will be and what's good for all of humanity. Not ruled by doctrines of supremacy or ideologies of bigotry. Some people live in their bubbles, and some people live behind their walls. Some people taken for granted, some people taken advantage of. Now we will have to lead the world to love and unity. Yeah, we will have. Sur France Inter. Les sondes Voyager 1 et Voyager 2 ont quitté la Terre il y a 41 ans. Elles sont sorties de notre système solaire après en avoir visité les planètes. La poursuite de leur mission n'était pas prévue. Ces sondes permettent l'étude du gaz intergalactique. Elles nous envoient même du son que vous entendrez dans un instant. Rosine Lallemand, astrophysicienne au CNRS. Alors les sondes aujourd'hui sont arrivées à ce qu'on appelle la... l'héliopause, c'est-à-dire là une frontière entre ce qui est le gaz qui est d'origine solaire, qui vient du Soleil, et le gaz de la galaxie. Alors, ce qu'on appelle le vent solaire, on ne devrait pas utiliser ce terme parce que ce n'est pas comme le vent autour de notre Terre. Le vent solaire, le soleil sont des explosions permanentes. Vous avez sans doute vu ces images incroyables par des nouveaux satellites qui observent le soleil. Ces explosions permanentes éjectent dans l'espace à des millions de kilomètres heure un plasma, un gaz qui est complètement électrisé et qui s'échappe dans toutes les directions. Alors, selon les humeurs du soleil, il y en a plus ou moins, c'est très variable, mais c'est permanent. Donc, ce vent solaire, puisque c'est le terme scientifique approprié, ce vent solaire, tout le monde est dedans. La Terre, les autres planètes, et lorsque Voyager est arrivé à Neptune, les sondes étaient encore dans ce vent solaire. Ce vent solaire est très énergétique et il est à l'origine, par exemple, des aurores boréales lorsqu'il interagit avec la Terre. Il a même été responsable de coupures électriques lors des tempêtes solaires à cause des champs magnétiques énormes. Et une question qui se posait à l'époque, il y avait beaucoup de spécialistes des plasmas dans les équipes de Voyager. Ce qui les intéressait, c'était l'interaction entre ce vent solaire et les autres planètes. Afin de mieux comprendre, ça c'est ce qu'on appelle la planétologie comparée, lorsqu'on regarde, on apprend toujours en regardant ce qui se passe pour d'autres planètes, on en apprend aussi sur la nôtre. Et donc ils voulaient comprendre ça. Et petit à petit, au fur et à mesure que les sondes s'éloignaient, une question se posait, où est-ce que ça s'arrête? Où s'arrête l'expansion du vent solaire? Quand est-ce qu'un satellite d'origine humaine va quitter cette espèce d'atmosphère solaire au sens large est rentrée dans un autre milieu, d'un autre gaz. Or, on savait à l'époque que le Soleil, petite étoile parmi d'autres, comme toutes les autres, voyage dans la galaxie et traverse, comme un avion traverse des nuages, traverse des nébuleuses, des nuages de gaz et de poussière, plus ou moins épais, et le Soleil en traverse un en ce moment. Notre étoile voyage dans un nuage qui est plutôt du genre Sirius. Hein, c'est pas un gros nuage noir, c'est un petit Sirius. Et ce gaz, c'est du gaz galactique. Il n'a rien à voir avec nous, il n'a rien à voir avec l'origine du système solaire. Le Soleil a quitté son nuage d'origine, celui qui lui a donné naissance depuis très longtemps. Il est adulte, il a fait plusieurs tours de la galaxie depuis. Et donc la question, c'était à quel moment allons-nous rentrer dans ce gaz de la galaxie? Et ça, c'est une question qui nous a intéressés particulièrement, nous, l'équipe française, parce qu'en fait, on travaillait sur des observations astronomiques et on recherchait justement à détecter des signatures de notre petit nuage. Et on s'est mis, à cause de ça, à travailler avec les équipes de Voyager sur ces sujets pour essayer d'estimer à quelle distance on allait quitter notre atmosphère solaire. 2012, sonde l'espace envoyée par Voyager, qui était alors à 19 milliards de kilomètres de la Terre. Voyager nous a envoyé un son, qui est donc le premier son que nous, humains, avons jamais entendu de ce qui se passe hors des limites de notre système solaire. Alors ce sont les vibrations du gaz électrisé qui est aux environs des sondes. Et leur fréquence, le nombre de vibrations par seconde, permet de mesurer la densité de la matière autour des sondes. Cette densité est tellement élevée, déduite donc des fréquences, qu'on a été certain que cette fois-ci, ça correspondait à un milieu qui était du vrai gaz galactique, parce que la densité était trop forte pour être encore du vent solaire. Nos étoiles voyagent toutes dans la galaxie et donc dans des nuages de gaz. Et le mécanisme par lequel les étoiles interagissent avec ces nuages est quelque chose que les astrophysiciens essayent de bien comprendre. Alors, on avait là, évidemment, une occasion unique chez nous d'aller étudier ce qu'on appelle cette interface, l'héliopause, interface entre le Soleil et le gaz galactique. Tout ça a permis de donner une limite à la taille de l'héliosphère. Ça a été très important pour les voyageurs, parce qu'encore une fois, il a fallu que la NASA accepte de maintenir la mission. Et pour ça, il fallait être à peu près certain que cette frontière n'était pas trop loin, de façon à pouvoir l'atteindre avant la fin de l'énergie à bord, et donc avant les années 2020. Et on a pu donner une limite à cette héliosphère, et ça a permis, ça a été un des éléments, on était très contents, qui a un peu poussé à continuer la mission, qui s'est ensuite appelée Voyager Interstellar Mission, la mission Voyager Interstellaire, donc pour aller détecter le gaz entre les étoiles. Les sondes ont une toute petite instrumentation au niveau de l'électronique et de l'informatique. C'est assez incroyable d'ailleurs. Les ordinateurs de bord font au total quelque chose comme 60 kilooctets. C'est même pas ce qu'il y a dans un téléphone les plus primitifs. Et malgré ça, c'était quand même de l'informatique reprogrammable. Et avec ça, les sondes ont réussi quand même à stocker les informations envoyées par les différents instruments et à les transmettre de façon classique, hein, par télémétrie. C'est-à-dire qu'il y a une énorme antenne qui transmet les ondes vers la Terre et qui sont écoutées par les grandes oreilles de la NASA, qui ont été pour l'occasion améliorées. Le réseau a été agrandi de manière à pouvoir continuer à détecter un signal qui, au fil des années, devenait de plus en plus faible, les sondes évidemment s'éloignant de plus en plus. Mais il y a eu des prouesses de ce côté-là. Donc tout vient de ces transmissions radio de tous les instruments qui arrivent encore aujourd'hui. On écoute Charlotte Gainsbourg, Kate. Je pensais Les aventuriers, Fabienne Chauvière, sur France Inter. 12 septembre 2013, journal de France 3. Exploratrice infatigable, lancée dans une formidable odyssée de l'espace depuis 36 ans, la sonde Voyager 1 est le premier objet fabriqué par l'homme à avoir quitté le système solaire, à plus de 21 milliards kilomètres du Soleil. On a réussi, c'est ce qu'on espérait tous en se lançant dans cette aventure il y a 40 ans. Personne ne savait où s'arrêtait la bulle autour du Soleil et si la sonde durerait assez longtemps. Bien sûr, la chance a joué, mais waouh, nous avons été sidérés en découvrant ces résultats après toutes ces années. Oui, alors le passage dans le gaz interstellaire... C'est pour nous, scientifiques, c'est quelque chose de très émouvant. C'est la première fois qu'une sonde parvient dans ce milieu. C'est un petit peu un pont avec l'astrophysique qui étudie donc les étoiles, leur formation, les nuages de gaz. C'est quelque chose qu'il faut voir aujourd'hui comme de non achevé. Parce qu'en fait, seulement Voyager 1 a traversé ce qu'on appelle l'héliopause. Voyager 2 a encore beaucoup de choses à nous apprendre. D'abord parce qu'il y a un instrument sur Voyager 2 qui fonctionne très bien et qui va mesurer très très bien le gaz interstellaire. Donc on attend maintenant, on espère encore le passage, le franchissement de l'héliopause par la deuxième sonde. L'aventure n'est pas finie encore. Ce voyage incroyable de plus de 40 ans et cette mission qui produit encore un suspense pour un grand nombre de scientifiques, c'est incroyable. Et elle a été d'une source d'inspiration. Voyager a été une source d'inspiration. Aujourd'hui encore, toutes les missions Cassini, New Horizons, etc. Tout ça, et puis aussi il y a des projets de sondes interstellaires, c'est-à-dire effectivement de refaire des nouveaux voyageurs plus rapides qui sortiraient plus vite. Mais ça a été... Voyager a été et restera une source d'inspiration pendant très longtemps. Jean-Yves Le Gall, président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Ce qui se prépare, il y a des choses là aussi tout à fait extraordinaires. Et notamment, moi, une mission qui m'intrigue beaucoup, c'est mes amis du JPL, donc le Jet Propulsion Laboratory, qui envisagent d'aller se poser sur Europe et d'y poser un sous-marin. Parce que Europe, c'est une croûte de glace de quelques kilomètres d'épaisseur, et avec dessous, sous la glace, sous cette croûte de glace, un océan liquide. Et on se demande si dans cet océan, il ne peut pas y avoir des traces d'une vie élémentaire ou quelque chose comme ça. Et donc, l'idée, c'est d'aller se poser à la surface d'Europe, donc sur la glace. Et là, il y a une sorte de sphère à l'intérieur de laquelle il y a encore un générateur isotopique donc qui chauffe la sphère. Et sous son propre poids, eh bien, la sphère va s'enfoncer dans la glace, passer à travers. Elle va laisser derrière elle une fibre optique pour pouvoir communiquer avec l'atterrisseur. Et elle va traverser toute la croûte de glace. Et puis, lorsqu'elle va arriver dans l'océan, elle va prendre des photos. Elle a un projecteur, elle éclaire. Et là, on va voir ce qu'on va voir. Et donc, c'est une mission, là aussi, absolument extraordinaire parce que envoyer un sous-marin sur Europe, ben, il fallait y penser. Et là aussi, c'est une des conséquences de Voyager. Et je ne sais pas ce qu'on va trouver dans cet océan. On va trouver peut-être une sorte de liquide avec absolument rien à l'intérieur. Peut-être trouver ce qu'on voit au fond des océans. Lorsque vous descendez à 8000 mètres, vous avez du plancton, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, tous les gens qui font de l'astronomie travaillent sur ces sujets parce que l'exploration planétaire... Eh bien, ce qu'on va chercher, c'est soit des traces de vie, soit des formes élémentaires de vie, parce que ce qui nous intéresse, c'est pourquoi il y a de la vie sur la Terre, et dans ces mondes éloignés, eh bien, de voir si ce n'est pas en quelque sorte une sorte de Terre il y a quelques centaines de millions ou quelques milliards d'années. Si on faisait des sondes aujourd'hui, on aurait certainement des moyens de communication plus sophistiqués, donc des images probablement de bien meilleure qualité, même si les images de Voyager ont été de bonne qualité, mais des images de bien meilleure qualité, des moyens qui permettraient d'analyser de façon beaucoup plus fine le champ magnétique, tout ce genre de choses, peut-être des capacités de manœuvre qui permettraient d'aller beaucoup plus près que de Jupiter, de Saturne, et puis peut-être aussi aussi des sondes qui feraient des choses plus sophistiquées parce qu'elles auraient peut-être plus d'énergie à bord. Mais on n'a plus cette capacité qui existait dans les années 70 de décider comme ça, un peu sur un coup de dé, de faire la mission spatiale la plus ambitieuse de l'humanité. Rosine Lallemand, astrophysicienne au CNRS. L'énergie, la seule possibilité pour des sondes tels que les voyageurs qui s'éloignent du Soleil, la seule possibilité, puisque les panneaux solaires sont exclus, il faudrait des panneaux solaires d'une taille, d'une trop grande taille pour un lancement. Donc la seule source d'énergie, c'est l'énergie nucléaire. Donc il y a à bord des sondes un générateur thermoélectrique qui fonctionne au plutonium. Et c'est ce qu'on appelle la durée de vie du plutonium, qui est en fait la quantité limitante. L'essentiel du plutonium se désintègre en 88 ans. Et donc, ça donne une idée. On sait que, de toute façon, c'était ça la butée. On en est à 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a déjà une grande, on a déjà une grande part de l'énergie qui a disparu. Évidemment, c'est la quantité, c'est ça qui limite. Sur les sondes voyageurs, il y avait un peu de gaz et des possibilités de réorienter le satellite avec des jets de gaz. D'ailleurs, la plateforme sur laquelle était un certain nombre d'instruments, dont le spectrographe et les caméras, cette plateforme est en fait mise en mouvement par des petits jets de gaz. Mais ça n'était pas suffisant pour vraiment, ça n'est pas suffisant pour vraiment réorienter la sonde. À la vitesse où sont les sondes, il faut beaucoup plus d'énergie pour les défléchir. Donc en fait, la direction dans laquelle sont aujourd'hui lancées les sondes est inamovible. Donc en fait, elles sont sur leur lancée. Bien sûr, elles n'auront plus assez d'énergie. Il y aura un moment où le générateur ne fournira plus assez d'énergie pour transmettre. En tout cas, où le signal transmis sera tellement faible qu'on ne pourra plus l'écouter. Mais elles vont continuer. Elles vont en fait se mettre en orbite autour de la Milky Way, autour de la Voie lactée, et continuer leur périple. Indéfiniment tourner, vous savez, à peu près il faut 220 millions d'années pour faire un tour. Alors elles ont des directions un peu, elles vont passer autour d'étoiles différentes. Elles sont lancées donc dans des directions à peu près à 50 degrés l'une de l'autre, donc elles vont avoir des trajectoires très différentes, toutes les deux autour de la galaxie, mais vont côtoyer des étoiles très diverses. Alors pour les premières étoiles, alors je ne sais pas si Gaïa va permettre de changer ça, c'est une des questions qui va se poser avec les nouvelles données du satellite de l'ESA Gaïa, mais pour le moment elle ne devrait pas s'approcher trop près des premières étoiles, mais tout est permis pour les autres, c'est-à-dire que sur l'immensité, le grand nombre d'étoiles, les 200 milliards d'étoiles de notre galaxie, on peut imaginer que les sondes vont frôler certaines, et qui sait, peut-être inspirer et être détecté comme une bouteille à la humaine dans l'immensité, être détecté un jour par une autre civilisation. Une question qui est souvent posée est la potentialité de signaux découverts par les sondes voyageurs. Alors sur la durée d'écoute, donc nos 40 ans ou 45 ans, apparemment aucun signal qui pourrait être attribué à une espèce extraterrestre n'a été identifié. Bon, il y a beaucoup d'archives, peut-être que quelqu'un en cherchant mieux, mais non, pas à ma connaissance. Jean-Louis Berthaud, depuis cette image de 1979, il y en a eu beaucoup d'autres avec les sondes Voyager. Est-ce qu'il y en a que vous avez en tête? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué à travers ces 40 ans de voyage? Il y a par exemple, il y a Miranda, ce satellite d'Uranus qui est fait de glace et avec des falaises gigantesques, 20 km d'altitude, de différence de niveau. Ce qui m'a beaucoup frappé également, c'est Triton, le gros satellite de Neptune, qui tourne en sens inverse des autres, donc on pense qu'il a été capté. Mais ce qui a été très spectaculaire, c'était un satellite de glace sur lequel on a vu des geysers. Et c'est la première fois qu'on a vu ce phénomène, on appelle ça le cryovolcanisme, c'est-à-dire des geysers, un satellite de glace, mais qui a quand même un peu d'énergie interne qui fait que de temps en temps, ça éjecte de la glace à l'extérieur. Et tout ça, c'est grâce aux sondes Voyager. Alors depuis, par exemple, il y a eu Encelade, qui est un satellite de Saturne, qui a été très très bien documenté par la sonde Cassini, qui a pris beaucoup de mesures sur des éjections de vapeur d'eau du satellite Encelade. Alors au final, ces sondes nous auront appris énormément sur notre système solaire, mais également sur le... C'est un exemple pour les autres systèmes planétaires qui sont à l'étude aujourd'hui et l'incroyable moisson d'exoplanètes qui est en cours. Alors pour moi, l'image peut-être aussi qui reste, c'est lorsqu'on a vu les rayons cosmiques. Ce sont des particules énergétiques qui viennent de la Voie lactée qui se sont mises à augmenter d'un seul coup et à se stabiliser. Et nous, on a vu ça à partir du détecteur d'un des instruments. Et pour moi, c'était une grande émotion parce que c'était, oui, bon, voilà, ça y est, ces particules-là sont galactiques. La sortie du vent solaire, c'était le calme après la tempête. Parce que dans l'espace interstellaire, les constantes de temps sont pas du tout les mêmes. C'est le grand calme galactique. Et donc, moi, ça m'a particulièrement ému, ce moment. Alors après, on scrutait la constance. Il y avait beaucoup de controverses à ce moment-là. Pendant un an, un certain nombre de scientifiques pensaient qu'on n'y était pas, mais alors que pourtant, c'était un des signes de rentrée dans le calme galactique. Prochaine étape pour Voyager, ça sera Voyager 1, qui rencontrera dans 40 000 ans la première étoile qui sera sur sa route. Et peut-être autour de cette étoile, je ne sais pas, des planètes. Et ensuite, s'il y a une planète et avec de la vie sur cette planète, mais à ce moment-là, peut-être que les gens verront un messager venu des tréfonds de l'univers. Peut-être auront-ils le moyen de l'attraper, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais alors là, on entre dans un monde qui devient plus de la science-fiction que de la science. Rosine Lallemand est chercheure au CNRS. Elle travaille sur l'interaction entre le Soleil et le nuage de la galaxie et elle utilise beaucoup les informations envoyées par les sondes Voyager. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission et la podcaster sur le site de France Inter, comme toutes celles de cette saison estivale. Même celles qui ne sont pas encore diffusées sont à votre disposition en avant-première. Je me permets aussi de vous rappeler que Les Saventuriers se déclinent en livres. Les grandes épopées qui ont fait la science est édité chez Flammarion en partenariat avec France Inter. Clément Baudet réalise Les Saventuriers. Irène Menahem a préparé cette émission. À la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son, Valentin Hazan et Théo Gomard. Romain Couturier de la discothèque de Radio France a aussi participé à cette émission. Demain, Francis Rocard, astrophysicien au CNES, vous emmènera sur la planète Mars. Il l'arpente depuis un certain temps grâce à plusieurs robots. À demain !